sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Mais bon, une petite pause musicale sera sûrement plus agréable qu'une publicité. Sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Passez au reconditionné. Smartphone, ordinateur, audio, console, adoptez des milliers d'appareils tech vérifiés par des partenaires de confiance. Garantie contractuelle du vendeur pouvant aller de 12 à 24 mois venant en complément des garanties légales de conformité et des vis cachés. Voir conditions sur backmarket.fr. Back Market. Connaissez-vous l'eudémonologie ? Soit littéralement l'art du bonheur. Contre toute attente, c'est à Arthur Schopenhauer que l'on doit une telle philosophie. Je dis « contre toute attente » car on se demande à quoi bon être heureux quand l'auteur du monde comme volonté et représentation n'a eu de cesse de nous démontrer que seule la souffrance avait une consistance métaphysique. Heureusement, c'était sans compter sur la première proposition qu'il nous délivre au début de son eudémonologie. Le bonheur positif et parfait est impossible, il faut seulement s'attendre à un état comparativement moins douloureux. La messe est dite. Bonjour Marie-Michèle Blondin. Bonjour. Vous êtes en direct depuis Montréal. Je vous remercie infiniment car chez vous, il est 4h du matin. Vous vous levez pour entendre cette chanson d'Isabelle Adjani, Le bonheur, c'est malheureux, mais surtout pour nous parler de Schopenhauer. Alors vous enseignez la philosophie, vous êtes membre du Centre canadien d'études allemandes et européennes de l'Université de Montréal. Vous êtes assistante d'édition pour la revue internationale Saint Philosophie, qui porte sur le romantisme allemand. Et puis vous avez soutenu une thèse sur la notion de vie chez Arthur Schopenhauer sous le titre « Vivre et vivre encore ». Alors première question, Marie-Michèle Blondin, comment Schopenhauer a-t-il pu inventer l'eudémonologie quand on connaît sa philosophie, on va dire pessimiste, du moins assez noire ? Mais en fait, il y a d'un côté le philosophe qui va développer une métaphysique de la volonté de vivre, dans laquelle justement le monde va être décrit comme le pire des mondes possibles, et la vie comme une suite de souffrances, de misères et de douleurs. Et par ailleurs, il y a l'homme qui se posait des questions sur la vie pratique, à savoir comment vivre dans un monde où la souffrance est inévitable. Et c'est à partir de là que Schopenhauer, à des fins, j'imagine, personnelles, s'est mis à annoter dès 1822 des conseils, des maximes pour s'aider lui-même et peut-être plus tard aider les autres puisqu'il a publié les aphorismes sur la sagesse dans la vie, mais des conseils pour justement, dans la vie de tous les jours, arriver à s'éviter les malheurs. Alors c'est quand même à lui qu'on doit ce terme d'eudémonologie. Comment le définit-il ? Bien, en fait, ça vient des Grecs et ça s'inscrit dans une tradition de la vie heureuse, enfin, qui va suggérer que le bonheur est possible. Pour Schopenhauer, le bonheur est impossible. Par contre... Bon, au moins c'est dit, au moins c'est très clair, le bonheur est impossible. Tout à fait, tout à fait. Mais le bonheur au sens d'une satisfaction durable et continue. En ce sens-là, le bonheur est inatteignable. Par contre, Schopenhauer va définir le bonheur autrement, c'est-à-dire dans cette vie où on éprouvera plus de souffrance. Enfin, c'est pas possible de ne plus éprouver de souffrance du tout, mais une vie où on en éprouvera le moins possible sera déjà une vie plus heureuse. Alors Schopenhauer, dans ses aphorismes, va oser utiliser le terme de bonheur dans un sens qui comporte, selon lui, une erreur. Et cette erreur-là, c'est de croire que la vie est faite pour qu'on en jouisse, qu'on est sur Terre pour être heureux. Donc, il va se prêter au jeu d'accepter l'idée qu'on peut essayer de vivre pour être heureux, sauf qu'il va continuer d'entendre le bonheur comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire où la souffrance n'est plus éprouvée. Alors, vous avez bien fait la distinction, Marie-Michèle Blondin, entre d'un côté, on va dire Schopenhauer, le philosophe, et de l'autre, Schopenhauer, l'homme, qui quand même déploie des stratégies pour vivre, on va dire, au quotidien, ou pour en tout cas vivre moins mal au quotidien. Est-ce que, à un moment donné, cette division-là, elle ne se retrouve pas, puisqu'on a quand même deux textes aujourd'hui sur lesquels on va travailler? D'un côté, l'art d'être heureux, alors qu'il y a un statut un petit peu particulier de texte, parce que c'est vraiment la reconstitution d'un ensemble de fragments qui ont été dispersés. Donc là, c'est quand même une reconstitution après coup et qui n'était peut-être pas voulue par Schopenhauer. Mais on a quand même, dans les Parerga et Paralipomena, donc les aphorismes sur la sagesse dans la vie, où là, c'est quand même un texte qui a été publié de son vivant en 1851 et donc sur lequel il avait complètement la main. Là, il y a quand même une œuvre de philosophe. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc Schopenhauer, il s'est dit que c'était peut-être une bonne chose de suggérer des conseils pour vivre mieux, justement dans une vie où il y a très peu d'espoir. Donc il a voulu partager à la fin de sa vie cette sagesse-là qu'il avait développée quasiment tout au long de sa vie, j'ai envie de dire. Donc oui, il va publier ça tardivement. Les raisons pour lesquelles il a publié les Parerga et Paralipomena, qui sont des écrits qui complètent en partie son grand ouvrage qui est Le monde comme volonté représentation, et qui rassemble aussi d'autres petits traités qu'il avait annotés peut-être un peu pour lui-même, on peut se demander si ce n'était pas pour trouver la gloire qu'il a fait ça à la fin de sa vie, parce que Schopenhauer, il faut le dire, il est resté inconnu jusqu'à la parution des Parerga Paralipomena, enfin presque inconnu. Donc c'est à partir de la publication des Parerga Paralipomena, notamment des aphorismes sur la sagesse dans la vie, qu'on va commencer à le lire. Et c'est le grand public qui va le découvrir, parce que ces textes-là sont beaucoup plus accessibles. Déjà, quand on ouvre le livre et qu'on lit la table des matières, on comprend de quoi il en retourne. Spontanément, le lecteur peut savoir quelles sont les thématiques abordées et n'est pas obligé d'être familier avec la philosophie de Schopenhauer. Donc, il s'est fait découvrir comme ça. Alors que sa philosophie, les points centraux de sa philosophie se trouvent dans le monde. Donc, oui, il a voulu nous partager une sagesse dans la vie à des fins pratiques, comme l'ont déjà fait plusieurs philosophes dans la tradition, dans une tradition morale d'ailleurs. Les aphorismes sur la sagesse dans la vie, enfin, on a vu des traités de maximes et de réflexions déjà chez les Grecs, et puis plus près de nous, chez La Rochefoucauld, chez Balthazar Gracian, que Schopenhauer a traduit. Donc, il a voulu partager une forme de philosophie morale sur une sagesse pratique, de manière peut-être plus accessible. Alors, le mieux est peut-être d'en écouter un extrait, Marie-Michèle Blondin. C'est l'extrait donc de L'art d'être heureux. C'est la règle de vie numéro 22 et elle est interprétée par François Raison. Le jeune homme croit que le monde a été fait pour en jouir, que le bonheur y a élu domicile. Un bonheur que ratent uniquement ceux qui ne sont pas assez habiles pour le chercher. Il est renforcé dans cette idée par des romans, des poèmes et l'hypocrisie que le monde cultive toujours et partout en sauvant les apparences extérieures. À partir de là, sa vie est une chasse en vue d'acquérir le bonheur positif, naturellement censé consister en plaisir positif. Le danger du malheur auquel on s'expose ainsi doit être assumé, car la vie est orientée vers l'obtention du bonheur et du plaisir positif. La chasse après un gibier qui en réalité n'existe pas conduit en règle générale au malheur, fort réel et positif. À l'inverse, le chemin qui mène à la sagesse vécue est celui-ci. On part de la conviction que tout bonheur et tout plaisir sont uniquement de nature négative, tandis que douleur et manque sont de genre positif. À partir de là, tout l'objectif de la vie est orienté vers l'évitement de la douleur et l'éloignement du manque. Et là, on peut obtenir un résultat, mais avec quelques certitudes, uniquement si l'objectif n'est pas troublé par l'aspiration qui consiste à courir après la chimère du bonheur positif. Le fou court après les plaisirs de la vie et se voit trompé. En effet, les maux qu'il a évités sont infiniment réels. Et s'il allait trop loin pour les éviter en renonçant inutilement à maints plaisirs, rien de tout cela n'est perdu. Car tous les plaisirs sont chimériques. Et ce serait faire preuve de mesquinerie et de ridicule que de regretter des plaisirs qu'on a laissés échapper. Marie-Michel Blondin, on vient donc d'entendre cette règle de vie numéro 22 de l'art d'être heureux d'Arthur Schopenhauer. Ce texte est assez contre-intuitif, je dois dire, d'une part parce que il y a cette thèse centrale que vous avez commencé à énoncer, qui est que tout bonheur et tout plaisir est de nature négative pour Schopenhauer, alors que la douleur et le manque sont de genre positif. Donc ça, déjà, il faudra quand même expliquer cette contre-intuition. Et puis aussi parce qu'il y a ce paradoxe que je trouve qu'on ne trouve nulle part ailleurs, à mon sens, qui dit que le bonheur, dès lors qu'on le poursuit, ne peut que conduire au malheur. Et ça, c'est une chose qu'on interroge peu, puisqu'on fait toujours du bonheur un but dans la vie. Or là, Schopenhauer nous dit que c'est une erreur majeure. Oui, tout à fait. Vous avez raison de dire que c'est contre-intuitif que de dire que le bonheur est négatif. En fait, et que la souffrance est positive. Ce que Schopenhauer veut dire, c'est que ce qui est toujours déjà donné avec la vie même, c'est la souffrance. Donc, c'est elle qui sera positive parce qu'elle est toujours éprouvée. Alors, il la voit comme quelque chose qui est toujours présent. Et c'est en ce sens que le malheur comme la douleur sont envisagés comme quelque chose de positif. Le bonheur, quant à lui, serait ce qui vient annuler la souffrance, ce qui vient faire cesser tous les maux qu'on pourrait être en train de vivre. Donc, le bonheur vient soustraire ce qu'on éprouve toujours naturellement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu pour Schopenhauer. Donc, le bonheur n'est pas un état positif au sens où c'est quelque chose qu'on pourrait sentir. Donc, pour Schopenhauer, les moments heureux, ce sont ceux qu'on sent le moins. Et il va donner un exemple qui est très parlant, un exemple qui se rapporte au temps. Il va dire que les moments qui sont difficiles, qui sont pénibles, où l'on s'ennuie, ils seront très longs. Donc, on va très bien les sentir. On va les sentir pleinement. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est un constat qui est très frappant. C'est vrai que les moments pénibles sont d'une longueur interminable, alors que les moments heureux passent presque en un clin d'œil. Ben exactement, c'est ce qui veut dire que les moments de bonheur, on ne les sent pas. Donc, si on passe du bon temps avec des amis, mais tout de suite, c'est terminé, on n'a pas vu les heures passer. Et c'est pour ça aussi qu'il veut dire qu'on se rend compte qu'on était heureux et non pas qu'on est heureux. Donc, on se rend compte du bonheur lorsqu'on l'a perdu. Parce que quand il est là, en fait, on ne sent, j'ai envie de dire, rien. On ne sent plus la misère, on ne sent plus la douleur. Et le bonheur, lui, il vient annuler ses sentiments négatifs pour justement, il vient que les annuler. Donc, on n'éprouve pas pleinement le bonheur. Donc, cette quête d'un bonheur durable qui serait une satisfaction continue, bien, c'est une chimère, c'est une folie. Schopenhauer dit que la personne qui va poursuivre ça, bien, en fait, elle poursuit un rêve parce que cette épreuve-là de quelque chose de bien, de toujours bien senti, de pleinement heureux, on ne retrouve pas ça dans un état constant ni durable. Donc, de poursuivre ça, se livrer à un grand malheur parce qu'on court après quelque chose qui n'arrivera pas. Mais en même temps, si Schopenhauer tente quand même d'être heureux ou du moins de moins vivre mal, il est quand même bien obligé de réhabiliter le plaisir ou le bonheur, alors non pas en faisant quelque chose de pleinement positif, mais du moins comme quelque chose de négatif, au moins comme suspension de la souffrance. Donc c'est là toute la tension en fait chez Schopenhauer, à la fois de critiquer cette recherche du bonheur, mais en même temps de voir qu'il y a dans ce bonheur-là le seul moyen d'apaiser la souffrance. Oui, tout à fait. Le bonheur, ce sera une suspension de la douleur, de la souffrance. C'est vraiment à voir comme ça. Donc, le bonheur auquel nous convie Schopenhauer dans son art d'être heureux, c'est celui où, on sera tranquille, on sera calme, on sera au repos, on ne sera pas perturbé. Donc, c'est comme une paix intérieure, si je peux dire, où on pourra peut-être finalement jouir de la vie, mais ça ne sera pas, ni probablement jamais, une jouissance pleine, vive et pleinement ressentie. Ce sera plutôt une jouissance de la vie du fait que Nous ne sommes pas dérangés, pas perturbés, pas préoccupés ni inquiets, qu'on soit dans une sorte de calme, quelque chose de paisible. Donc, c'est vraiment une autre sorte de bonheur auquel nous convie Schopenhauer. Une autre sorte de bonheur à laquelle on n'est pas habitué de penser. On est habitué de penser le bonheur comme quelque chose d'excitant, d'exaltant, qu'on a envie de vivre, qu'on recherche, mais... En fin de compte, ce n'est pas la voie pour arriver à la vie heureuse. Mais d'une certaine manière, c'est la voie et la définition du bonheur telle qu'on la trouve chez les anciens. C'est-à-dire que cette idée de la vie bonne comme vie tranquille, ascétique, ataraxique, en fait, qui est fondée sur l'absence de troubles, plutôt que comme un bien en tant que tel fait de passion forte. Ça, c'est vraiment en fait une définition moderne du bonheur. Oui, oui, tout à fait. On peut voir le bonheur chez Schopenhauer comme une ataraxie. Mais encore là, il ne faut pas voir cette ataraxie-là comme un bonheur qui s'éprouvera pleinement. Donc, c'est vraiment un état où on sera calme et paisible. Donc, oui, il y a un lien tout à fait fort là, qui relie Schopenhauer et les Grecs dans une éthique de la vie bonne ou heureuse, oui. Et est-ce qu'on peut inverser les choses, Marie-Michèle Blondin, et opposer à Schopenhauer le fait que ce n'est pas le bonheur ou le plaisir qui suspende la souffrance, mais plutôt en fait la souffrance qui vient suspendre le bonheur? Est-ce qu'on pourrait lui objecter qu'il s'est trompé en fait de perspective? En fait, comme pour Schopenhauer, la souffrance, elle est vraiment inhérente au fait de vivre, et elle est toujours là, donc... C'est vraiment l'élément positif. C'est pour ça que c'est le bonheur qui vient soustraire quelque chose et non l'inverse. Schopenhauer, en ayant développé le concept de volonté de vivre, en ayant placé cette volonté de vivre-là comme essence de toute chose du monde, d'emblée, le vivant se retrouve dans une quête incessante, il va être dans une lutte, il sera toujours dans un manque. Donc, c'est sa condition d'existence, la condition du vivant chez Schopenhauer. Autant pour les êtres humains que les animaux, voire même les plantes, l'état, c'est le combat, la lutte pour la survie, pour la vie, pour se nourrir, pour affronter toutes les difficultés de la vie. Donc, c'est vraiment ça qui est toujours là. Donc, le bonheur, c'est vraiment ce qui viendrait nous libérer momentanément, parce que de façon durable, c'est très difficile, mais momentanément, d'une quête, du besoin et du manque. Alors, dans ce texte, Schopenhauer identifie le bonheur et le plaisir, mais encore faut-il peut-être définir ce plaisir en tant que tel. Je vous propose, Marie-Michèle Blondin, d'écouter un extrait d'un film de Joël Seria. Ouais, on va bien se régaler. Les tourteaux, là, on les fait tièdes. Puis les coquilles, on va pas se faire chier, on va les faire à la poêle. Et les moules, on se les garde pour ce soir. Ouais. Oh, ce que je suis bien, bordel. Oh, tu vois, Milo, ouais, c'est la première fois de ma vie que je suis vraiment heureux. Oh, une femme, un gentil môme, le soleil, les potes. Ça me suffit, moi, je demande rien de plus dans la vie. Oh, je suis rudement bien équivalent. C'est une vraie femme, puis... C'est une tête, c'est une cervelle dans son boulot. Mais sérieux, c'est ce qu'il me fallait. D'ailleurs, tu me le dis toi-même, j'ai changé. Mais t'es plus le même homme. Puis, heureusement, et pas trop porté sur le mandarin. Comme ça, je peux souffler un peu. Oh, bordel. Oh, ce que c'est bon, le soleil. C'était donc un extrait de Comme la Lune, un film de Joël Seria de 1977. Marie-Michèle Blondin, quand Schopenhauer parle de plaisir comme suspension de la souffrance, est-ce qu'il avait en tête ce genre de plaisir comme suspension de la souffrance, comme peut-être visé à atteindre pour souffrir un peu moins? Oui, Schopenhauer va parler de toute forme de plaisir. Justement, il peut y avoir des plaisirs dits sensuels qui vont se rapporter au sens, finalement, qui vont comprendre justement le plaisir de la table comme aussi le plaisir sexuel. Donc, ce sont des plaisirs qui sont possibles et qui, justement, vont suspendre momentanément la souffrance. N'empêche que pour Schopenhauer, les plaisirs les plus nobles et ceux qui comblent davantage l'être humain, ce sont les plaisirs intellectuels. Mais d'ailleurs, les plaisirs où on va user de ses forces, où on va se livrer à une activité où on peut se mettre en action, il va dire que ce sont les plaisirs à rechercher. C'est quand même difficile de dire qu'il faut rechercher des plaisirs chez Schopenhauer, mais ce seront, oui, des différents types de plaisirs que Schopenhauer, justement, va un peu juger en disant il y en aura des plus nobles, d'autres peut-être à éviter, selon, mais enfin, il va reconnaître qu'il y a différents types de plaisirs. Mais toujours dans cette conception qui viendront suspendre justement la douleur. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire qui vont fonctionner comme plaisir. Donc par exemple, comme dans cet extrait de film où on peut se dire que les plaisirs de la table, les plaisirs sexuels, ça ce sont quand même malgré tout de bons plaisirs, ou est-ce que Schopenhauer fait vraiment une répartition, comme on la trouve par exemple chez Épicure, une répartition entre des bons plaisirs et des mauvais plaisirs? Je ne crois pas qu'il va jusque-là, donc à faire une distinction entre mauvais et bon, quoi qu'il est contre un peu la débauche, en disant qu'il y a comme une sorte de perdition qui pourrait arriver. Et donc, sans faire une gradation très, très claire et très détaillée, il va quand même insister sur les plaisirs intellectuels. Parce que là, ce sont des plaisirs qu'on peut avoir seul, et Schopenhauer valorise beaucoup les activités de solitaire, parce que les activités en société peuvent nous exposer à beaucoup de malheurs, de différents malheurs. Donc, il va valoriser ces activités-là intellectuelles où, justement, on peut entrer en contact avec les idées, on peut être un pur sujet connaissant. Et ça nous libère de plusieurs malheurs, en fait. Ça nous connecte avec une réalité intellectuelle qui est à la fois stimulante et qui nous permet d'entrer dans quelque chose de compréhension de la vie qui va au-delà de tout ce qui est, disons, plus sensuel ou charnel. Donc, oui, quand on le lit, on comprend très clairement que c'est ce qui valorise. Oui, et puis surtout que ça va, cette idée quand même de valorisation des plaisirs solitaires, intellectuels, enfin en tout cas qui ne sont pas liés, qui ne dépendent pas des autres, est très importante puisque comme on l'a vu hier dans l'art de se connaître soi-même, il y a quand même une condamnation en fait du mode de vie du commun des mortels qui justement ne pense qu'à la sociabilité, au regard des autres, à la recherche d'attention du sexe opposé et au plaisir vulgaire. Donc là, il y a quand même en fait une contradiction dans la philosophie, dans l'eudémologie de Schopenhauer, qui est que d'un côté, il doit valoriser le plaisir comme suspension de la douleur, et en même temps, ce plaisir-là, n'importe quel plaisir, peut à la fois faire l'affaire, mais pas véritablement non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne manière de suspendre sa souffrance. Oui, une bonne manière de suspendre sa souffrance. Oui, mais pour Schopenhauer, en fait, si on se suffit à soi-même, si on fait des activités pour lesquelles on est doué, si on se concentre sur ce que l'on a en nous-mêmes, enfin, ce que l'on est plutôt, on aura plus de chances d'être heureux. Alors que si on fait reposer son bonheur sur des activités mondaines, sur l'honneur, par exemple, ou la réputation, ce qui dépend que des autres, en fait, on risque de s'exposer à de grands malheurs parce que ça ne relève pas de nous. Donc, déjà, dans la vie, Schopenhauer reconnaît qu'il y a le destin, le hasard. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il va dire. Il va dire le destin, en fait, va jeter les dés et nous jouons. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ne relèvent pas de nous, donc qui dépendent du coup du hasard et du destin. Donc, pour lui, il vaut mieux favoriser les plaisirs qui relèvent de notre autonomie et de nos capacités, de ce que l'on est, et même de ce qui correspond à notre caractère. Après, bon, bien sûr, on peut vivre en société, rechercher certains plaisirs avec la compagnie de certaines personnes, sauf que là, on s'expose à des conflits, on s'expose à des incompréhensions, on s'expose à plein de choses qui relèvent des relations humaines, on le sait, c'est pas toujours facile. Donc, pour Schopenhauer, il va pas bannir ça complètement, mais il va dire qu'il faut être conscient qu'on s'expose à certains malheurs. D'ailleurs, Schopenhauer va aller jusqu'à dire que dans la vie, la moitié de la sagesse consiste à ne pas aimer ni haïr. Donc, c'est un conseil quand même assez extrême. Ne pas aimer, enfin, normalement, les gens aiment la passion amoureuse, ont envie d'être amoureux, rêvent d'une vie heureuse à deux. Et Schopenhauer nous invite à se soustraire à ça, à se refuser ce genre de plaisir parce que, ben, on le sait aussi, les chagrins d'amour sont extrêmement pénibles. Enfin, les conflits amoureux sont difficiles à vivre. Donc, on comprend pourquoi, mais en même temps, c'est pas toujours facile à appliquer les conseils que Schopenhauer nous prodigue pour s'éviter des malheurs. Et on pourrait aussi se poser la question de l'amitié, par exemple. Là, pour le coup, c'est moins, on va dire, tributaire de passions instables comme l'amour. Que pense-t-il de l'amitié, Schopenhauer ? Est-ce que là aussi, ce sont plutôt des plaisirs qui nous exposent, en fait, qui sont dangereux ? Oui, ce sont des plaisirs qui nous exposent, mais tout dépend. Si on choisit quelqu'un comme ami, avec qui il y a une réciprocité, qui n'a pas de rapport de force, donc ce sera déjà mieux. Par ailleurs, il va nous dire de ne pas trop être gentil, parce que si on est trop gentil, peut-être que l'autre personne pourra vouloir abuser de nous. Et il y aura un rapport de force là qui pourra mettre en péril l'amitié. Donc, il n'est pas contre, mais il va nous donner plusieurs précautions à prendre. Donc, voilà. Mais oui, donc voilà. Bonjour, on va poursuivre. Vous avez prononcé le terme caractère, Marie-Michèle Blondin, et ça tombe bien parce que justement, dans un texte, Schopenhauer nous parle de l'humeur enjouée de celui qui est gai. Ce qui, par-dessus tout, contribue le plus directement à notre bonheur, c'est une humeur enjouée. Car cette bonne qualité trouve tout de suite sa récompense en elle-même. En effet, celui qui est gai a toujours motif de l'être, par cela même qu'il est. Rien ne peut remplacer aussi complètement tous les autres biens que cette qualité, pendant qu'elle-même ne peut être remplacée par rien. Qu'un homme soit jeune, beau, riche et considéré, pour pouvoir juger de son bonheur, la question sera de savoir si, en outre, il est gai. En revanche, est-il gai, alors peu importe qu'il soit jeune ou vieux, bien fait ou bossu, pauvre ou riche, il est heureux. Dans ma première jeunesse, j'ai lu un jour dans un vieux livre la phrase suivante. « Qui rit beaucoup est heureux et qui pleure beaucoup est malheureux. » La remarque est bien niaise, mais à cause de sa vérité si simple, je n'ai pu l'oublier. Aussi devons-nous, toutes les fois qu'elle se présente, ouvrir à la gaieté portes et fenêtres, car elle n'arrive jamais à contretemps. Au lieu d'hésiter, comme nous le faisons souvent, à l'admettre, voulant nous rendre compte d'abord si nous avons bien à tous égards sujet d'être contents, ou encore de peur qu'elle ne nous dérange de méditations sérieuses ou de graves préoccupations, et cependant il est bien incertain que celles-ci puissent améliorer notre condition, tandis que la gaieté est un bénéfice immédiat. Elle seule est, pour ainsi dire, l'argent comptant du bonheur. Tout le reste n'en est que le billet de banque. Car seule elle nous donne le bonheur dans un présent immédiat. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Je sais très bien. Sacha Distel, la bonne humeur va très bien avec ce texte de Arthur Schopenhauer, Aphorisme sur la sagesse dans la vie. C'est le chapitre 2 de Ce que l'on est, interprété par François Raison. Alors là, c'est une dimension très importante du bonheur chez Schopenhauer, Marie-Michèle Blondin. C'est cette idée que le bonheur ne dépend effectivement pas des autres, ce serait vraiment risqué, mais dépend d'abord de nous et de notre caractère, notamment d'un caractère gai. Est-ce qu'on doit en déduire que le bonheur est presque déterminé par notre caractère et qu'on si on est gai, on est gai toute sa vie, et si on est triste, on va être triste toute sa vie? Ben, un peu, quand même. Donc, c'est comme si nos chances au bonheur étaient un peu fixées à l'avance par notre tempérament, notre caractère. Donc, Schopenhauer, oui, va le dire, quelqu'un qui a un tempérament gai aura beaucoup plus de facilité à affronter la douleur et le malheur. Il sera un peu armé face aux difficultés de la vie, grâce notamment à cette humeur enjouée que cette personne-là aura. Alors qu'une personne qui a un tempérament plutôt mélancolique aura tendance à avoir plus de difficultés avec les douleurs de la vie au quotidien. Par contre, la personne qui a une humeur plutôt mélancolique, Schopenhauer va dire qu'elle sera mieux armée face à l'ennui. alors que la personne gay aura plus de difficultés et cherchera peut-être justement à être en interaction avec les autres et à faire quelque chose pour jouir de cette humeur gay. Donc oui, cette humeur-là, elle relève du caractère. Et chez Schopenhauer, en fait, le caractère, il est inné. On vient au monde avec une sorte de tempérament, un caractère qui ne pourra pas vraiment changer avec le temps. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas travailler dessus. On ne pourra même pas, par exemple, en mettant en œuvre, par exemple, un certain nombre de conditions. Enfin, ces règles-là pour être heureux, donc il y en a quand même 50, on les retrouve dans les aphorismes sur la sagesse dans la vie. Ces règles-là ne permettent pas de travailler un tant soit peu sur ce caractère? Je dirais plutôt de composer avec son caractère. Oui, Schopenhauer... On pourra pas tout changer de soi-même, non, mais on pourra apprendre à se connaître. D'ailleurs, le caractère va se révéler avec le temps. C'est avec l'expérience qu'on va apprendre à savoir qui on est vraiment. Et donc, en se connaissant, on peut apprendre à composer avec ça. Donc, si, par exemple, on a tendance à être plutôt mélancolique, Schopenhauer nous dira alors, il faut éviter de trop s'en faire avec le futur, de trop anticiper. Il faudra éviter de ruminer les choses passées qu'on aurait voulu voir autrement. Donc, il va nous donner des conseils, des maximes de vie qui peuvent nous aider, justement, peut-être pas à changer le caractère, mais à composer bien avec. Et donc... Allez-y, pardon. Mais oui, c'est ça. Et donc, dans le caractère gay, il y a quand même une chance qui est donnée. Mais Schopenhauer va aussi dire que ça peut arriver à tout moment, à toute personne. Donc, même la personne mélancolique pourrait avoir un moment de gaieté. Et donc, Schopenhauer, c'est pour ça qu'il va dire qu'il faut profiter de ces moments-là quand ils arrivent. Il ne faut pas les remettre à plus tard parce que quand ils sont là, ils sont là. Et c'est une chance que d'avoir une sorte d'humeur enjouée et de vivre un moment de gaieté. Donc, c'est pour ça qu'il va dire que c'est l'argent comptant du bonheur. Donc, oui, ça peut arriver aussi que des personnes avec des tempéraments autres que celui du tempérament plutôt gay ou enjoué peuvent aussi connaître ça. Sauf que ce ne sera pas la trame de fond, disons. Alors, on peut quand même en revenir sur cette idée de rechercher. Vous l'avez dit, hein, Marie-Michel Blondin, chez Schopenhauer, on ne peut pas rechercher le bonheur. On l'a entendu dans le premier texte tout à l'heure. Le bonheur ne se recherche pas, c'est presque une absurdité. Ça conduit au contraire à savoir on se retrouve dans le malheur. Donc, on a quand même l'impression, à lire Schopenhauer, que le bonheur est presque une question de chance. Il y a d'un côté notre caractère qui est plus ou moins gai. Il y a le fait aussi qu'on soit plus ou moins conditionné pour pouvoir vivre seul, qu'on ait des conditions aussi matérielles. À la fois, tout dépend de nous, et en même temps, ce nous est extrêmement conditionné, déterminé. Et ça, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on a l'impression qu'à la fois, tout repose sur les épaules de l'homme, et en même temps, il n'est presque capable de rien pour être heureux. En effet, tout dépend de l'être humain. Et en même temps, quelle prise a-t-il sur son caractère ou son destin? La marge de manœuvre est assez faible, en fait. En effet, oui, ça repose sur l'individu. Donc, c'est pour ça que Schopenhauer va nous livrer des maximes. Comment s'en sortir, en fait? Comment vivre dans un monde où déjà la souffrance nous est donnée comme condition d'existence? Déjà, il y a un caractère qui nous est donné, qui est inscrit dans notre chair. Hein? Le caractère, il prend ses racines dans notre corps, dans notre physiologie. Donc, comment faire avec tous ces éléments qui sont assez déterminants, finalement? Il y a plein de trucs et Schopenhauer dira que ce n'est que seul qu'on peut être libre, si la liberté est vraiment possible. Et le but, c'est toujours de s'affranchir de cette condition de vivant qui nous maintient dans une souffrance. Et la façon de s'en affranchir, il y en a plusieurs. Hein. Schopenhauer, dans son œuvre majeure, va nous suggérer la négation de la volonté de vivre. Donc, de retourner le principe qui nous anime, notre essence, un peu contre elle-même. Donc, de nier ce qui s'affirme toujours et déjà. Et justement, dans les aphorismes sur la sagesse dans la vie, plutôt que de décrire une négation de la volonté de vivre, il va nous suggérer de restreindre toute activité qui pourrait nous exposer à un malheur. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut voir une sorte de restriction chez Schopenhauer pour justement arriver à souffrir le moins possible. Donc, on peut y arriver, justement, en adoptant un certain comportement, mais c'est pas gagné d'avance, non. Mais est-ce que ce qui est intéressant, c'est que depuis, suivant en fait la métaphysique de Schopenhauer, on l'a bien vu, on en a parlé aussi hier, la volonté est vraiment une puissance en fait aveugle, sans cause ni but, qui nous dépasse, qui est insatiable et qui finalement nous conduit à avoir à éprouver beaucoup de souffrances. Le bonheur est négatif, il serait seulement là en fait pour apaiser cette souffrance. En fait, on est soit dans une négation de cette volonté car elle nous conduit au malheur, soit vers une restriction de cette volonté pour apaiser nos souffrances, vous l'avez dit Michel Blondin. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt accepter le contraire, à savoir en fait de se dire qu'il y a une sorte de poussée vitale, hein, c'est ça la volonté en fait chez Schopenhauer, ça n'est rien à voir avec la volition, avec le fait de vouloir quelque chose et de tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Donc est-ce que cette volonté-là chez Schopenhauer, est-ce que la bonne manière en fait de vivre avec, ça n'est pas aussi de la suivre et de s'y soumettre ? C'est une possibilité et en effet, c'est la tendance naturelle chez les êtres humains et Schopenhauer va le reconnaître. Il va dire les êtres humains ont tendance à être dans l'affirmation de la volonté de vivre. C'est quelque chose déjà qui s'impose à nous comme principe vital, si on veut. C'est notre essence que de vouloir vivre et de vouloir affirmer cette volonté de vivre-là. Et donc, Schopenhauer va reconnaître, oui, que c'est naturel d'aller en ce sens-là. Et que la majorité des gens, même s'ils savent que la vie, elle est emplie de souffrances, de misère et de douleur, vont quand même choisir d'aller dans la vie et d'avancer avec excitation, attente et même espoir. Et oui, en fait, c'est tout à fait naturel. Mais cette vie-là, qui est dans l'affirmation, j'ai envie de dire, vive et assumée de la volonté de vivre, elle vient aussi avec son lot de malheurs. Elle vient avec de très grandes souffrances. Donc, autant on peut s'exalter et vouloir se jeter dans la vie avec tout son être, on va s'exposer à des souffrances aussi grandes. Donc, oui, Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et représentation, va le dire, quand on arrive à comprendre notre essence, que la volonté de vivre arrive à se connaître elle-même à travers nous, alors là, on a un choix. Soit on affirme la volonté de vivre, soit on la nie. Et Schopenhauer, franchement, nous laisse le choix. Il va décrire quand même la négation de la volonté parce que pour lui, c'est la voie du salut, c'est la voie de la libération des souffrances. Mais n'empêche qu'il va dire qu'il reste la possibilité d'affirmer la vie. Et alors là, il nous reste quand même certaines choses. Si on décide d'avancer dans la vie, on a la gaieté, justement. On aura certaines jouissances, notamment liées à la sexualité. On aura des plaisirs intellectuels, notamment liés à l'expérience esthétique. Donc, il y aura des moments où on pourra, j'ai envie de dire, jouir de la vie ou profiter de la vie. Mais ce sera au prix de grandes souffrances. Toutefois, la vie sera vive parce que quand on y songe, si on se restreint pour s'éviter des malheurs, certes, on pourra atteindre un certain état d'équilibre, de repos, de paix profonde qui peut mener aussi à une certaine joie, à une félicité très importante. Mais en fait, si on se livre à la vie dans la pleine jouissance, on pourra en profiter davantage. Donc c'est toujours, c'est ça, c'est de choisir est-ce qu'on affirme ou est-ce qu'on nie la volonté de vivre. Et là, ça dépend de nous, de notre choix. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que Schopenhauer va parler des âges de la vie. Et il va dire que c'est propre à la jeunesse que de vouloir se jeter dans la vie et d'avoir des attentes et de croire en l'amour, de croire en toutes sortes de choses, de s'imaginer plein de choses bonnes qui pourront arriver dans la vie. C'est propre à la jeunesse. Et il va dire, ben, un peu tristement, en avançant dans la vie, on va se rendre compte que de cette vie, il n'y a pas grand-chose à attendre. Et il va dire même qu'à la fin de sa vie, quand ça frappe à la porte, au lieu d'être de s'exciter à savoir, ou se réjouir à savoir qui frappe à la porte, qu'est-ce que le destin nous amène, dans la vieillesse, on va plutôt se dire, mais quel danger arrive? Donc, on va chercher plutôt le confort, plutôt que la vie avec ses jouissances, etc. Donc, pour Schopenhauer, affirmer la volonté de vivre dans une quête d'une vie heureuse, ça reste un peu de la folie. Il va dire qu'il faudrait être fou pour faire ça, parce que justement, on s'expose à beaucoup de souffrances. Alors peut-être qu'une manière de jouir, hein, je reprends votre terme Marie-Michel Blondin, mais c'est aussi un terme de Schopenhauer, même si il a quand même, on va le dire, une toute petite place à la jouissance. Hein. Par exemple, dans L'Art d'être heureux, la règle de vie numéro 17 nous dit-il, la vie n'est pas là pour qu'on en jouisse, mais pour être conquise, traversée. Alors malgré tout, il propose quand même une manière de jouir un tant soit peu et de, en tout cas, traverser cette vie en misant tout sur l'activité. C'est un texte de Schopenhauer, interprété par François Raison. De même que notre vie physique consiste uniquement dans un mouvement incessant et ne persiste que par lui, de même notre vie intérieure, intellectuelle, demande une occupation constante. Une occupation avec n'importe quoi, par l'action ou par la pensée. C'est ce que prouve déjà cette manie des gens désœuvrés et qui ne pensent à rien, de se mettre immédiatement à tambouriner avec leurs doigts ou avec le premier objet venu. C'est que l'agitation est le principe de notre existence. Une inaction complète devient bien vite insupportable, car elle engendre le plus horrible ennui. C'est en réglant cet instinct qu'on peut le satisfaire méthodiquement et avec plus de fruits. L'activité est indispensable au bonheur. Il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible, ou apprenne au moins quelque chose. Ses forces demandent leur emploi, et lui-même ne demande qu'à leur voir produire un résultat quelconque. Sous ce rapport, sa plus grande satisfaction consiste à faire, à confectionner quelque chose, panier ou livre. Mais ce qui donne du bonheur immédiat, c'est de voir jour par jour croître son œuvre sous ses mains et de la voir arriver à sa perfection. Une œuvre d'art, un écrit ou même un simple ouvrage manuel produisent tout cet effet. Bien entendu, plus la nature du travail est noble, plus la jouissance est élevée. Les plus heureux à cet égard sont les hommes hautement doués qui se sentent capables de produire des œuvres importantes, vastes et fortement raisonnées. C'était les aphorismes sur la sagesse dans la vie, chapitre 5, Paranèse et Maxime, partie 2, concernant notre conduite envers nous-mêmes, un texte donc d'Arthur Schopenhauer, interprété par François Raison. Alors là, on entend toute la place qu'accorde Arthur Schopenhauer à l'expérience esthétique, qu'elle soit de l'ordre de la contemplation, mais là aussi de la création. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut revenir, c'est peut-être l'expérience, la seule activité, hein, plus que le fait de prendre du plaisir à boire, manger, faire l'amour ou à prendre plaisir à jouer, à rire. Là, c'est vraiment l'activité esthétique qui est la plus importante pour Schopenhauer. Oui, il y a l'activité esthétique, oui, tout à fait. Mais surtout, l'idée, c'est de faire quelque chose, de produire quelque chose. Là, il va donner l'exemple peut-être même d'un panier. Produire un panier peut nous procurer une satisfaction. Bien sûr, pour Schopenhauer, l'activité la plus noble, ce serait de produire un livre, une activité intellectuelle. Mais on ne peut pas tous le faire. Non, exactement, exactement. C'est pour ça qu'il va dire que c'est aussi valable même juste d'apprendre quelque chose ou de faire quelque chose de ses mains, qu'on aura une satisfaction. Ce qu'il y a de très intéressant dans ce passage, c'est que l'activité est valorisée. Donc là, il ne suffit pas de restreindre quoi que ce soit ou de restreindre la volonté de vivre, mais plutôt d'utiliser ses forces pour en jouir. Donc de faire quelque chose, de mettre ses forces en action, en œuvre, pour arriver à un résultat qu'on pourra apprécier aussi par la suite. Donc ça, c'est intéressant. Donc de mettre en avant la possibilité de créer quelque chose qui va nous apporter une certaine satisfaction. Et même, on va dire, une grande satisfaction. Mais c'est... N'empêche que... Oui, allez-y, pardon. N'empêche que c'est aussi pour s'éviter l'ennui qu'il va nous suggérer de faire ça. Donc, d'un côté, on le fait pour le bonheur, mais aussi pour s'éviter un malheur qui est celui de s'ennuyer. Donc, le mouvement, c'est pour contraindre, c'est pour restreindre ou éviter l'immobilité. Parce que n'avoir rien à faire, comme il le dit, quand on a des forces et qu'on n'arrive pas à trouver une manière de les exprimer, bien, on va souffrir de cet état de passivité. Donc, se mettre en action, c'est aussi s'accorder avec le mouvement intérieur de notre corps qui est toujours déjà là. Donc, d'être en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur et donc de passer à l'action. Mais ce qui est très intéressant dans cette grande place accordée à l'activité, c'est qu'on a l'impression, en fait, que c'est une manière d'être ni dans la négation de la volonté de vivre, ni d'être dans sa restriction, mais au contraire, en fait, de vouloir suivre le mouvement, mais de reprendre la main, en fait. C'est comme si la volonté de l'homme, et là, je l'emploie au sens qu'on l'emploie tous quand on dit « je veux faire ceci », on a l'impression que la volition, en fait, de l'homme reprend le dessus sur la volonté de l'ivre qui l'anime jusque-là et sur lequel il était impuissant et en fait qui reprend la main. Est-ce qu'on peut penser les choses comme ça quand Schopenhauer nous invite à travailler la matière, à penser, à produire quelque chose ? Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ce que je ressens et que j'intuitionne quand je lis ce passage, c'est qu'il nous invite quand même à être dans une sorte d'affirmation. Bon, je le dis quand même avec précaution parce que c'est pas ce que Schopenhauer fait en règle générale, mais quand même, pour contrer l'ennui, il va quand même nous inviter à jouir de ses forces et donc à les mettre en avant. Et même dans Le Monde, il y a un passage où il va dire « Il n'y a pas d'autre plaisir que de faire usage de ses forces, de se sentir agir. » Donc, il y a dans l'action quelque chose d'assez important. Et donc, la volonté de vivre, là, n'est plus simplement qu'un moyen de vivre et de vivre encore ou de survivre. C'est un moyen de se sentir en force et de jouir de ses forces. Et Schopenhauer va aussi insister sur ça, qu'il faut apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses, parce que si on se livre à des activités pour lesquelles on n'est pas du tout doué, eh bien, on s'expose à l'échec et à la souffrance. Donc, il veut dire que c'est important de connaître ses forces pour justement les mettre en avant et se livrer à des activités dans lesquelles on pourra trouver satisfaction. Et donc, oui, on a vraiment l'impression qu'il nous invite à utiliser nos forces pour arriver au bonheur. J'aimerais qu'on écoute, il nous reste quelques minutes encore, Marie-Michel Blondin, j'aimerais qu'on écoute la voix de Émile Cioran. Je pense qu'il y a quand même, ce sera l'occasion de comparer Schopenhauer et Cioran, notamment sur leur pessimisme, mais aussi sur l'activité. J'ai publié dans mon premier livre, ça c'est mon premier livre en français, n'est-ce pas, c'est le Précis des compositions. Il faut dire que c'est une question de vitalité aussi, il y avait une sorte de vitalité dans moi, besoin de manifester. Moi, j'étais totalement inconnu, vous savez, pendant tant de temps. Mes livres ne se vendaient pas du tout. Mais j'ai peut-être bien accepté cette condition. Ça correspondait aussi à ma vision des choses. Les seules années importantes, c'est les années d'anonymat. Vous savez, les années où... Parce que être inconnu, c'est une volupté. J'admettais parfaitement que je sois à la périphérie, de façon complète. J'étais vraiment totalement inconnu, mais c'est pas désagréable du tout, finalement. Et c'est ça les vraies années, vous savez, c'est l'écrivain, son lecteur. Ça a des côtés désagréables, parce que sur le plan pratique, t'es souvent complet. Mais c'est ça la vraie écriture, vraiment. Ça, parce que vous avez l'impression d'écrire pour vous-même. C'était une archive du 1er janvier 1989. On reconnaît la voix d'Émile Cioran. Alors lui aussi, comme Schopenhauer, n'a pas connu le succès tout de suite, mais à la différence de Schopenhauer, il a l'air de l'avoir plutôt bien vécu. Il a pas du tout mis en place des stratégies pour vivre moins mal. Et au contraire, il a vu dans cette activité d'écriture, et là on retrouve Schopenhauer et tout, au-delà bien sûr évidemment du pessimisme, on retrouve cette idée de l'activité pour soi-même où l'on produit quelque chose et ça se passe notamment avec l'écriture. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour Schopenhauer, l'activité de l'écriture peut nous apporter une certaine satisfaction. Quoique Schopenhauer n'a pas très bien vécu le fait qu'il soit resté inconnu, parce qu'il avait conscience que... Il avait très confiance en son travail. Donc, il savait qu'il avait une pensée originale qu'il a déployée dans le monde. Et il a quand même beaucoup souffert du fait qu'il soit resté inconnu, que personne ne se soit intéressé pour une bonne partie de sa vie à son œuvre majeure. Donc, ça, pour lui, c'était très difficile à accepter. Oui. Et est-ce que dans cette dimension en fait de création, finalement, est-ce que ça n'est ni une manière d'atteindre le bonheur, évidemment d'oublier la souffrance, ça on a compris, mais ici ça n'est pas le bonheur finalement qui est en jeu, mais c'est plus la manière dont finalement on ne pense pas aussi à ce qui nous arrive en fait. On n'est plus à soi, on n'est plus soi dans son corps comme un individu singulier, mais au contraire en fait on dépasse cette singularité qui nous fait s'ouvrir pour être juste un pur sujet en fait, pas seulement connaissant, mais juste en fait producteur. Oui, dans la productivité, dans l'acte de création, il y a un moment où on va dépasser sa propre individualité. Et c'est un moment où on va suspendre la douleur. C'est vraiment ce qui se passe quand on arrive à l'expérience esthétique, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Et par l'écriture, par les activités créatrices, créatives, on peut aussi éprouver un plaisir. Donc, il y a d'un côté une chose qui va nous faire transcender sa condition individuelle parce qu'on est en phase complètement avec l'idée qu'on est en train de travailler. Donc là, la souffrance sera suspendue. Mais il y a aussi, par ailleurs, si on est dans l'activité même, un plaisir qui pourra être ressenti à l'activité qu'on fait. Écoutez, merci beaucoup Marie-Michel Blondin. On s'arrête sur cette idée de création et de production, d'activité pour être heureux ou du moins pour ne pas souffrir. De vous, on peut lire « Vivre et vivre encore », la notion de vie chez Arthur Schopenhauer. C'est aux éditions OLMS. Et d'Arthur Schopenhauer, on en a parlé avec vous. « L'art d'être heureux » disponible aux éditions .sc dans une traduction de Jean-Louis Schlegel et dans une édition de Franco Volpi, mais aussi les aphorismes sur la sagesse dans la vie disponibles aux éditions PUF, traduit par Richard Rousse. Un grand merci Marie-Michel Blondin, un grand merci car il est encore très tôt chez vous. Merci de vous être levé si tôt pour l'art d'être heureux de Schopenhauer. Merci beaucoup. Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh to beat the band. Look at yourself. Do you still believe the rumor that romance is simply grand? Since you took it on the chin, you have lost that toothpaste grin. My mental state is all a jumble. I sit around and sadly mumble. Fools rush in, so here am I, very glad to be unhappy. I can't win, but here am I, more than glad to be unhappy. Unrequited love's a bore, and I've got it pretty bad. But for someone you adore, it's a pleasure to be sad. Toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Adèle Vendrette, Nicolas Berger et moi-même sommes très tristes de vous annoncer la disparition de Georges Claes hier. C'était un lecteur fantastique, une personne formidable. Il nous accompagnait depuis presque 15 ans. Il tenait toujours à lire Montaigne en vieux français, et oui, et il savait lire Marx comme s'il vous contait une histoire. Nous sommes très touchés par sa mort, mais il reste encore sa voix que nous pourrons continuer à écouter et à diffuser. La voici avec le tout début de la Divine Comédie de Dante. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était, chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que la mort l'est à peine plus. Mais, pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, Je regardai en haut et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mène chacun droit par tout sentier. Alors, la peur se tint un peu tranquille qui, dans le lac du cœur, m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine. Et comme celui qui, hors d'haleine, sortit de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme, qui fuyait encore, se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. Il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Peut-on interdire la haine ? La haine est un sentiment redoutable, un sentiment dangereux, et l'on comprend pourquoi toutes les sociétés humaines ont cherché à la réguler. C'est que la haine n'est pas seulement en effet le refus de quelque chose, ni même seulement le refus de ce qui nous nuit, comme le définissent certains philosophes, mais la volonté de détruire ce qui nous nuit ou ce dont nous pensons que cela nous nuit ou que c'est notre ennemi pour une raison ou pour une autre. Ainsi, la haine est hantée, en quelque sorte, par le passage à l'acte. De même que l'amour n'est pas seulement la contemplation de quelque chose qui nous semble bien, mais le désir de s'y unir et aussi le désir de son bien à lui, eh bien inversement, la haine est le désir de détruire et le désir même du mal de l'autre. La haine est donc un sentiment redoutable et on comprend que les sociétés humaines aient voulu la réguler et parfois l'interdire. Mais peut-on interdire un sentiment caché dans les replis du cœur humain, aussi profond peut-être que l'amour, aussi inévitable quand on nous fait du mal ou quand on nous veut du mal? Ce que les sociétés humaines ont interdit, progressivement, en réalité, ce n'est jamais la haine elle-même. C'est les conséquences, ce sont les actes auxquels conduit la haine que les sociétés en effet réprouvent. Et on comprend pourquoi, parce qu'elles nous engagent dans le cycle de la haine sans fin. C'est par exemple le meurtre en tant qu'étape ultime de ce à quoi la haine nous appelle. Ainsi, le meurtre est interdit parce qu'il entre dans le cycle de la haine. Et quand il y a un meurtre, on ne punit pas par un autre meurtre, mais plutôt par une loi, une règle, qui certes va frustrer la haine, mais c'est bien le but que l'on recherche par les lois humaines. En revanche, il y a un autre danger dans la haine, et c'est évidemment le passage intermédiaire entre le sentiment et l'acte. C'est le choix des objets dangereux, de même que l'amour peut se tromper d'objet, la haine se trompe d'objet, et surtout, il y a des motivations sur lesquelles certains cherchent à agir pour nous donner les objets de haine et pour conduire au passage à l'acte. C'est pourquoi les lois ont progressivement régulé l'action des passions humaines en punissant non pas seulement les actes mêmes auxquels peut conduire la haine, mais les intermédiaires humains qui y conduisent, ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Ainsi, l'incitation est déjà un commencement d'action parce qu'elle désigne des objets et que, bien loin de réguler ce passage à l'acte de nos passions tristes, de nos passions destructrices, elle les encourage et elle leur désigne des objets généraux, des objets tout faits. Peut-être la haine est-elle un sentiment en lui-même noble avec quelque chose comme de la colère, du refus du négatif, mais il y a ceux qui l'agitent et qui lui désignent des objets parfois collectifs, parfois essentiels, non pas fondés sur certains actes, mais justement destinés à motiver certaines guerres ou certains crimes. Ainsi, l'incitation à la haine peut être condamnée sans que l'on cherche à réduire dans le cœur humain l'existence de la haine autrement que par la psychologie ou par l'amour. Et ce n'est pas par la loi que l'on peut réguler le cœur humain, mais seulement les actions les plus négatives qui redoubleront la souffrance. Ainsi, il est peut-être aussi difficile d'interdire la haine que d'ordonner l'amour. Le commandement d'amour n'est pas un commandement de la loi, c'est parfois un commandement mystique dans certaines grandes traditions mystiques où l'on demande d'aimer et parfois même d'aimer l'ennemi comme soi-même. Mais ce commandement qui n'est pas au cœur de la loi n'est pas plus possible à imposer à une société que l'interdiction de la haine dont il faut seulement interdire les conséquences et les agitateurs. Voilà, on se